Notre style est tellement dope que même les plus potes de choke, c'est pas des jokes. On se fait des mauvais sorts, même les plus là que sautent, c'est pas notre faute. Si vous pensez qu'on est dieux, c'est pas vos yeux qui louchent. Parce que je fais peut-être 5 pieds 5. Ouais. Mais ma queue fait dans les 8 pouces. C'est juste les canons qui touchent. Je suis sûr qu'ils se créent de fuck top, ben catastrophe les pop. Pop, je rends les fakes dépressifs comme un drogué pot. Pot, les lobes frottent, pas nous autres, ils sautent. Il faut qu'ils fraudent pour payer les réparations de leur peau qui blow up. Ceux qui show up sont crissement rares. Ceux qui viennent, on les décalisse encore. Viens à l'hôpital du 4e étage, on les pitch dehors. Je les dis à mort, puis je les mange comme un fils de porc. Même la partie que les bitches adorent. Je suis pas capable de les trouver parce qu'ils sont trop petites à voir. Slash un poids de mic, puis je suis capable de bosser ta tête en même temps que je rock le mic. Tu voudras pas renaître après que ta face drop à terre. Si je t'appelle fils dans mes tracks, c'est parce que je fuck ta mère. Il faut pas que je cherche le fuck, sinon t'explose là. Les fakes, on expose ça. Semi-présent comme un aura. Bioca, y'a du beef, même les gros bras finissent dans le coma. Il faut pas que je cherche le fuck, sinon t'explose là. Les fakes, on expose ça. Semi-présent comme un aura. Bioca, y'a du beef, même les gros bras finissent dans le coma. Les faces lettres, les acides tapettes, s'effacent vite quand qu'ils voient que la place pète. On est tellement baveux qu'il faudrait qu'on porte la bavette. Y'a ceux qui pensent qu'on est des lavettes, dis-toi qu'on passe plus de crosse qu'un temple des Aztecs. Je fuck avec les décibels comme avec une estie de belle chicks. Des vrais bitches, on joue avec ses ballons comme les Celtics. On est comme des kangourous. Expert en sautage. Catastrophe push. C'est comme un grand gourou qui s'habille en foubou. On fait sauter le spot. Puis on arrache tout. On va tôter du top. On match nos atouts. Présent pour causer le fuck. Ici t'es partout. On fait choquer les locks. Dans le fuck comme un Batman. So fuck you. On déteste les acides graines comme des lesbiennes. S'il y a des vierges dans la salle, on leur pète les mains. Ah. Mais je veux pas m'engager sur fuck le Shakespeare, man. J'ai des prostituées gratuites. Les pimps savent que leurs filles m'aiment. Les petits Chris ils viennent pas. Cherchez la gare. Ma fesse est à terre. Laissez ton père. Il fait qu'on est ta mère. Il faut pas que je cherche le fuck, sinon t'explose là. Les fakes, on expose ça. Semi-présent comme un aura. Bioca, y'a du beef, même les gros bras finissent dans le coma. Il faut pas que je cherche le fuck, sinon t'explose là. Les fakes, on expose ça. Semi-présent comme un aura. Bioca, y'a du beef, même les gros bras finissent dans le coma.